donc un peu les filles. Allez, vous arrêtez ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z, ici sur RIG 90.7 de la bande FM, rigfm.fr, pour suivre cette émission Johnny de A à Z. Aujourd'hui, c'est la 574e émission que je vous propose sur RIG, et Michel Mallory avait accordé à l'émission Johnny de A à Z deux interviews au mois de mars. Une première partie de cette interview est disponible en podcast sur PodCloud, sur iTunes, sur Deezer et tant d'autres. Et ce soir, vous allez assister à la deuxième émission, la deuxième partie spéciale interview Michel Mallory dans votre émission Johnny de A à Z. On va attaquer tout de suite pour deux heures d'interview et deux heures de musique avec des titres qu'a composé ou écrit Michel Mallory pour Johnny Hallyday au cours de sa carrière. Bonne écoute et bonne soirée à toutes et à tous. Michel Mallory, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous avoir au téléphone à l'heure dite. Bon, écoutez, je suis à vous comme la sardine est à l'huile. Très bien, très bien, très bien. Ça vous fait du bien de replonger dans les souvenirs, alors ? Eh bien, ça me rend encore plus humble. Oui, ça me rend encore plus humble parce que d'avoir vécu avec... Bon, il n'y a pas Johnny, hein, je veux dire. Non, mais, bien sûr, non, mais toute la carrière que vous avez eue, hein, en tant qu'auteur-compositeur. Avec des personnages comme ça, c'est-à-dire de vivre au quotidien avec eux, je veux dire, quand je dis vivre avec eux, c'est vivre en tant qu'homme, après vivre en tant qu'auteur, compositeur, quelquefois en tant qu'interprète, de me retrouver sur scène avec eux, notamment avec Johnny, où je faisais de l'harmonica à l'époque, je faisais la deuxième voix et de la guitare acoustique, de chanter en duo avec Sylvie au Japon, par exemple, ça n'est pas donné à n'importe qui. Donc ces moments-là extrêmement précieux, je les ai gardés pour moi. Et puis finalement, je m'aperçois que ces gens-là, que ce soit Sylvie, Johnny, Sardou, bien d'autres, Gene Manson et plein d'autres, ont été avec moi extrêmement bienveillants, dirais-je. Oui. Et qu'ils m'ont fait vivre des choses inoubliables, et que voilà, je trouve ça assez formidable. Et c'est une sorte de double légion d'honneur pour moi d'avoir fait ça avec eux. Oui. Et puis quelque part aussi, j'ai rencontré tous les gens que je voulais rencontrer. Voilà, aussi curieux que ça puisse paraître. J'ai rencontré Sinatra, j'ai rencontré Presley, j'ai rencontré les Beatles, j'ai rencontré tous ces gens-là. Bon, je dis pas que j'ai lié amitié avec eux, loin de là, mais je les ai vus, rencontrés, parler, et c'était quand même des gens. La leçon reçue par Sinatra a été une leçon pour moi extraordinaire, quoi. Je veux dire, j'étais invité avec Eddie Vartan, le frère de Sylvie, oui, à l'enregistrement d'une chanson de Frank Sinatra. C'est-à-dire, on était dans le studio avec une dizaine d'autres personnes au fond du studio. Donc, il y avait l'orchestre de Quincy Jones qui répétait. Mm-hmm. Dans l'orchestre, il n'y avait que des stars, guitaristes, cuivres, tout ça. C'était que des monstres. De la crème, la crème de la crème. Oui, la crème de la crème. Et puis, lui est arrivé. Et il nous a salués très gentiment. Il a été au micro, il a embrassé Quincy Jones et il a enregistré la chanson. Il a fait une prise.

au-delà des phrases et des mots, comme un enfant, comme un salaud, je t'ai aimé. Je t'ai aimé. Je t'ai aimé. Avec mon ventre, avec mes mains, comme une reine, comme une putain, je t'ai aimé. Oh, je t'ai aimé. À en mourir, à en pleurer, et même jusqu'à supplier, je t'ai aimé. Comme on aime une seule fois, même si tu ne me crois pas, je t'ai aimé. Ce soir dans l'émission Johnny de A à Z, voici la spéciale Michel Mallory interview, deuxième partie. Par vous-même, vous êtes quand même une star. Hein. Dans le monde, on va dire nous, dans les fans de Johnny Hallyday, vous êtes une star. Parce qu'il y a eu tout de suite avec les fans de Johnny quelque chose qui s'est passé, que je n'ai pas forcément cherché, oui. Mais je me suis aperçu que ceux qui ne les écoutaient pas, c'est-à-dire que les considérant comme bon, un espèce de public fidèle et pouvant tout passer à Johnny, moi je pense que c'était faux. J'ai pensé que c'était faux tout de suite, parce que c'était véritablement d'abord un public fidèle, mais c'était un public, entre guillemets, averti. Mmh. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient, à l'actualité de Johnny, incollables. C'est-à-dire qu'ils savaient les endroits où ça s'était passé, ils savaient qui avait fait quoi, comment, la date précise. Je vois simplement Jean-Baptiste Guégan, oui. Il est incollable, je veux dire, il est incollable. Vous lui citez une chanson, il vous cite l'album, l'époque. Donc, les fans de Johnny sont, j'ai presque envie de dire, presque un exemple de public pour les autres artistes. Ils sont inconditionnels, ils sont, exigeants, mmh. ils sont exigeants, et en même temps, il faut pas les prendre pour des cons, quoi. Je veux dire, il faut pas les prendre pour des cons parce que ils savent tout, hein. Je veux dire, sur Johnny, ils en savent quelquefois beaucoup plus que certains, disons, journaleux. Ils en savent beaucoup plus, notamment sur sa vie d'homme, mmh. tout simplement parce qu'ils se sont intéressés de beaucoup plus près à Jean-Philippe Smet, si vous voulez, quelque part. Tout à fait. Bon, il y avait Johnny Hallyday avec tout ce que ça comportait d'image de star. Et puis, il y avait ce bonhomme derrière, ce bonhomme avec cette générosité, cette aura. Les vrais fans sont très proches de Jean-Philippe Smet. C'est l'impression qu'ils m'ont donnée. Et moi, je suis, subjugué par leur fidélité. Et leur fidélité, même après la mort, hein, de Johnny. Tout à fait. Même après la mort, ils sont d'une fidélité. Et ils sont d'une... ils ont quelque chose qui les... Moi, je vois simplement... Jean-Baptiste Guégan, parce que je le fréquente, c'est un des fans absolus de Johnny que je fréquente avec d'autres, bien évidemment. Mais il a son petit musée à la maison. Hein. Il a son petit musée, alors je lui offre des choses quelquefois. Alors il est complètement subjugué. Je lui offre une lettre, par exemple, de Johnny. Ce sont des morceaux d'histoire. Ah oui, alors ce sont des morceaux d'histoire pour moi parce que ils font partie intégrante de ma mémoire. Mais pour quelqu'un comme lui, c'est un trésor. C'est un trésor. C'est des trésors absolus, quoi. Je pense qu'il vendrait sa maison, mais pas son petit musée. Hein. Oui. Et ils sont tous comme ça. Hein. Un jour, j'ai fait un spectacle à l'époque où je pouvais chanter pour le fan club de Johnny. Mm-hmm. J'avais fait une sorte de concours. J'avais le texte original retouché par Johnny à la main de toute la musique que j'aime, c'est-à-dire quand on enregistre en studio. Avec les annotations de Johnny, quand il oubliait les notes, alors il faisait des petites flèches pour monter la voix ou des petites flèches pour descendre, enfin tous ces trucs. Et donc j'avais ce texte original, je l'avais fait encadrer et j'ai dit celui qui gagnera le concours gagnera cet objet. Inutile de vous dire, et la question était incroyablement difficile. Je donnais, je crois que c'était deux phrases d'une chanson improbable que Johnny avait enregistrée il y a des années avant, et il fallait reconnaître le titre de la chanson. Eh bien, il y a eu tout de suite un mec qui s'est levé, il a dit « c'est ça ». Et donc, ils sont vraiment, ce sont des spécialistes, voilà. Ça, spécialistes étonnants, ils sont étonnants. J'ai vu d'autres publics fidèles, mais pas comme celui de Johnny. Et puis un jour, je crois que c'était la dernière fois d'ailleurs que j'ai dû l'avoir vu sur scène, c'était en Belgique. Il était venu me prendre à l'hôtel, et puis on avait été à la salle de spectacle. Et 1 kilomètre avant l'arrivée à la salle de spectacle, de chaque côté de la route, il y avait un motard arrêté avec des Harley Davidson, enfin bon. Et 1 kilomètre, ça fait beaucoup de motards. Oui, oui. Et quand la voiture est arrivée, précédée par des motards, eux, de la police, ils faisaient démarrer les moteurs. On était 4 dans la voiture. Moi, j'avoue que j'étais bord des larmes. Parce qu'une telle dévotion, dirais-je. Et Johnny ne disait pas un mot. Ça, c'était aussi une de ses habitudes. Johnny était un taiseux. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu te rends compte de cet hommage? C'est absolument incroyable. Et il s'est tourné vers moi, il a dit, tu vois, encore aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il me trouve. Ça, c'est... Voilà, la gloire avait choisi ce mec. Et il vivait avec elle depuis l'âge de 16 ans. Et il était encore étonné que la gloire fasse partie de sa vie à ce point-là. Ah, il a été étonné jusqu'au bout, justement. Hein. Jusqu'à la fin. Jusqu'au sort d'un dernier souffle, tout à fait, oui. Oui, oui. Jusqu'à la fin, il a été étonné de l'amour qu'on lui portait à ce point-là. Véritablement. C'est comme ça. Donc vous avez eu une vie bien remplie. Oui, absolument, oui. C'est une vie bien remplie, c'est... D'ailleurs, je m'en aperçois parce que là, en dehors de vous qui m'appelez aujourd'hui, je n'arrête pas en ce moment. ça n'arrête pas. On me demande tellement de choses. Alors, j'essaye de me rappeler bien les choses, de pas me gourer, parce que c'est important. Comme je vous l'ai dit, les fans ne se trompent pas. Si je me trompe, ils vont me le rappeler. Hein. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Le 5 janvier 1973, Johnny Hallyday participait avec Michel Mallory à l'émission culte et musicale 5-6-7, présentée par Jacques Ourouvitch sur Europe 1. Là maintenant, on m'entend. Bon. Là maintenant, j'ai besoin de Michel. Michel, oh, Mallory, où il est? Il est là. Assieds-toi. Pourquoi as-tu besoin de Michel, hein? J'ai besoin de Michel parce qu'on fait une chanson ensemble. Bon, bah t'es prévu. Oui, une chanson qu'il a écrite pour moi d'ailleurs, mais j'ai besoin de lui parce qu'il y a certaines paroles que je me souviens plus. Bon, tu es prêt, Michel? Alors tu vas commencer. Hein. Non, je commence. Quelqu'un dit que tous les hommes venaient au monde égaux entre eux, et que l'argent, ah oui, j'en mettrai pas ma main au feu. Je crois en ton amour sincère, je le vois briller dans tes yeux. Autant que nous deux, j'en mets

la fureur de vivre n'est plus la même. Il n'y a plus de géants à l'est d'Éden. Et la fureur de vivre n'est plus la même. Le premier titre que vous avez écouté, « Je construis des murs autour de mes rêves », fut composé et écrit par John Hayde et Michel Mallory. Et le titre « Il n'y a plus de géants à l'est d'Éden » fut entièrement composé et écrit par Michel Mallory. Vous écoutez RIG et l'émission Johnny de A à Z. Ce soir, on écoute la deuxième partie de cette interview avec Michel Mallory. Et ce label, le label de Johnny, H, donc, permettait de véhiculer des musiques qui n'étaient pas standardisées à l'époque, comme genre vous, absolument, et country music, absolument, par exemple. Personne n'écoutait la country music, même en France, même encore à l'heure actuelle, personne n'écoute de la musique country, à part l'émission de George Lang, mais sur RTL. Ouais, alors qu'à l'heure actuelle, aux États-Unis, c'est la première musique. C'est ça, ouais, ouais. C'est la première musique, c'est les plus gros vendeurs de disques sont issus de la country. Stapleton, c'est le plus grand à l'heure actuelle, mm-hmm, aux États-Unis. C'est lui qui chante l'hymne américain au Super Bowl. Ça va? C'est un chanteur country, Stapleton. Taylor Swift. Elle vient de la country music. C'est une chanteuse country. Mais c'est pas grave. Il y a ça, le gospel, ce qui est un autre truc, hein, tout ce qui est musique chrétienne, si vous voulez. Mm-hmm. C'est un empire aux États-Unis. Voilà. C'est un empire. Mais c'est monstrueux, quoi. Je veux dire, le nombre de groupes, de chanteurs, tout ça, mais qui vendent des millions de disques. C'est ça. Et d'où ici, on ne connaît pas. Non, c'est, ça n'a jamais accroché ici, tout à fait. Jamais. C'est fou. Bon. Et puis, à chaque fois que je vais à Nashville avec Jean-Baptiste Guégan, bon, je retrouve tout ça là-bas. Et les studios à Nashville ne désemplissent pas. Hein. Et Nashville, bon, c'est devenu... moi, quand j'ai connu Nashville, c'était Saint-Étienne. Hein. Vous voyez? Oui, mais oui, oui, oui. Maintenant, c'est Los Angeles, c'est Nashville. Ça, hein. C'est ça. C'est plus pareil. Hein. Simplement, l'aéroport, c'est monstrueux, quoi. Mais c'est monstrueux. J'avais un copain. Il s'appelait Joe. C'était presque un frère pour moi. Ouais. On a grandi ensemble. Il habitait la ferme. La ferme juste à côté de la rivière. Un jour, on en a eu marre de voir toujours la même forêt. Alors on a décidé de partir pour voir ce qu'était une ville. Quand je dis une ville, je veux dire... une vraie ville, en béton. Et ça fait bien longtemps. Ouais. Et maintenant, je voudrais revoir tout ce que j'ai quitté. Les champs, la rivière et ma forêt. Et Marie. Oui, Marie. Oh, qu'elle était belle. Ma jolie Marie. Ça fait si longtemps, si longtemps. Mais voilà comment l'histoire a commencé. On avait bien, Joe et moi, $10 chacun, et l'adresse d'une ou deux filles dans un wagon à bestiaux. On a pris le train pour voir ce qu'était une ville. Pendant 2 jours en roulant, on s'est préparé tout en se cachant sous la paille. Quand on l'a vu, ce fut comme un coup sur

patience et que les émirs qui en ont payent la flotte plus chère que le pétrole. Le pétrole, écrit par Michel Mallory. Qu'est-ce qui manquait à Johnny pour qu'il soit une star internationale, justement ? Il lui manquait l'envie, peut-être. Il avait déjà bien à faire dans son pays, enfin dans l'Hexagone, parce qu'il était aussi une star en Italie, quand même. Oui. Il était une star en Belgique. Il était une star, évidemment, dans les pays limitrophes, comme le Luxembourg, même en Espagne. Amérique du Sud aussi. Amérique du Sud, en Argentine. Mmh. Il était une star au Japon. Il y avait un truc, c'est que on a enregistré beaucoup en Angleterre, mais avec les Anglais, quelquefois, ça se passait pas trop bien. Parce que les Anglais avaient une espèce de dédain pour nous. On n'avait pas les Beatles, on n'avait pas les Stones. Oui, on n'avait pas Joe Cocker, oui. Donc on avait que des Edith Piaf et Charles Trenet, quoi. Voilà, on avait que des Aznavour, des trucs comme ouais. ça. C'était un peu, ils étaient un peu. D'ailleurs, à Memphis, Rock à Memphis, avec Kim Say, et bien à un moment donné, Tim Hinckley, qui faisait l'album avec Chris Kim Say, nous avait interdit de studio. Il y avait donc Rolling. Longue Grise, mm-hmm. Moi, Lee Hallyday, et vous avez interdit de studio. Et j'avais dit à Johnny, bah, écoute, si on a interdit de studio, moi je rentre demain à Paris. les autres avaient dit pareil. Et évidemment, le soir même, on était au studio. Et non seulement ça, mais quelques temps après, on a fait cet album à Memphis. Et après, on est parti à Nashville, on a fait deux albums, oui. C'est-à-dire l'album de Johnny et le mien. Voilà. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Le 14 juin 1975, Johnny fêtait son anniversaire à l'antenne de RTL dans l'émission Super Club animée par Sam Bernett. Club RTL en direct aujourd'hui du théâtre L'Hexagone de l'Agora, spécial anniversaire Johnny Hallyday. Avec aujourd'hui tous les amis, tous les chanteurs amis de Johnny Hallyday, nous recevrons Guy Bonardo, Michel Chevalier, Chantal Goya, Michel Mallory, Jean-Jacques Debout. Une amie de Johnny venue spécialement de Belgique pour lui faire la bise et lui souhaiter un heureux anniversaire, Annie Cordy. Il y a un jeu à gagner avec une moto. Et bien entendu, vous êtes là pour applaudir et pour lui souhaiter un très heureux anniversaire, Johnny Hallyday. Bon anniversaire Johnny, peut-être un peu 15 jours d'avance quand même parce que c'est demain la vraie date. Mon anniversaire c'est demain. C'est demain, mais bon anniversaire quand même. Est-ce qu'on l'entend sur l'antenne Johnny là? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu... Vous l'entendez bien là? Alors c'est une rude journée pour toi parce que c'est un jour où tu devrais normalement te reposer et tout le monde devrait venir te faire la bise et on te fait travailler c'est-à-dire la famille. Normalement je devrais préparer... Préparer tout ce qu'on va manger et boire pour demain, pour mes amis, quoi. Et puis là, tu travailles aujourd'hui, tu travailles ce soir. Oui, je travaille ce soir. Dès que tu auras terminé cette émission, tu vas filer sur Provins, faire un gala. Bon, Johnny, il y a des tas d'amis ici qui sont venus, et dans la salle, et dans les coulisses, ils vont venir chanter, ils vont venir se souhaiter un bon anniversaire. Alors, il fait chaud, hein? Oui, il fait chaud, alors je vais justement te laisser boire un petit coup. Super commercial en direct d'Evry du théâtre L'Hexagone d'Agora. Bonjour mon petit Michel. Michel Mallory qui vient d'entrer sur scène. Michel Mallory. Elle te prend ta vie et ta santé. Tu vas trop loin et tu vas trop vite pour rester tout en haut de premier. Je dis laisse-moi la musique que tu es. Y'a encore tant de filles à aimer. Tu vas trop loin. Chanson que tu viens d'écrire là, alors je suis peut-être pas affûté, mais je pense que tu as écrit cette chanson en pensant à Johnny. Oui. Oui, t'as pas un micro? Attends, on va lui donner un micro quand même. C'est toujours moi qui ai pas de micro. Non, j'ai... Parce que oui, j'ai écrit cette chanson. C'est parce que t'as été malade en étant petit. Oui, c'est parce que j'ai été malade quand j'étais petit. Oui, j'ai écrit beaucoup de chansons pour Johnny, mais jamais une chanson sur Johnny. Et je voulais lui dire que quelquefois, c'est vrai, il va trop vite, quelquefois, ouais, il va trop loin. C'est quand même le plus jeune des chanteurs français. Mais j'espère bien. Regardez. Bon, c'est toute une histoire aussi. Jean-Jacques, tu peux revenir avec nous, là, sur... Il faut qu'on soit tous là, quand même, tous les amis de Johnny. C'est aussi une bonne histoire, celle de votre rencontre, puisque tu connais Johnny depuis des années, mais tu connaissais Sylvie avant Johnny, je crois. Et il y a une cuite, si je puis dire, mémorable, qui a scellé votre rencontre et votre amitié. Oui, je suis venu un jour chez Johnny Hallyday. Chez Johnny Hallyday. On m'avait donné... Te fous pas de ma... Jean-Jacques. On m'avait donné un micro à Jean-Jacques. On m'avait donné un bout de papier avec son adresse, et alors je suis monté, et tu sais, devant chez lui, il y a des glaces, tu vois. Il était 10h du matin, je dis jamais il va me recevoir à cette heure-là. Je connaissais un peu de réputation, monsieur, et je me suis regardé dans la glace. À 10h, en général, il est déjà parti au bureau. Parce que c'est toujours lui qui me réveille. C'est bizarre ce que dit Michel, parce que c'est toujours Johnny qui me réveille en me disant « Fais attention, il ne faut pas que tu sois en retard, parce qu'il est telle heure. T'as une heure devant toi. » Alors, je sonne, et c'est Johnny qui m'ouvre. Il était habillé avec un peignoir bleu et blanc, tu sais, comme ça. Il avait une casquette d'aviateur nazi sur la tête. Et toujours très élégant. Il avait une bière à la main, il m'a pas dit bonjour, il fait « Tu veux une bière ?» Et je suis arrivé à 10h du matin et je suis reparti à 10h le lendemain matin. Et depuis non. Et vous avez fait enregistrer Nashville sous le label H aussi ? Je ne sais pas si c'était le label H encore. Je ne sais plus combien de temps ça a duré, oui. Mais je vais regarder, mais il faut que j'aille dans mon studio. Mais je pense que c'était le label H. Hein. Oui, oui, c'était une production de Johnny Hallyday. Il n'y a pas de problème. Il sortait son propre fric. C'était drôle, mais c'est comme ça. Vous le méritiez, de toute façon, avec tout ce que vous lui avez apporté, vous le méritiez, avec les beaux albums que vous avez pu faire auparavant, que ce soit Rock and Memphis, album Je t'aime, je t'aime, Insolitude, mais dedans, c'est une tuerie. Ces albums sont des tueries. Écoutez, c'était l'osmose absolue, quoi. Ben oui. On vivait ensemble, on était cul et chemise, on s'engueulait, on picolait. On faisait les cons, je veux dire, c'était... Et puis, je ne faisais pas attention du tout au fait qu'il soit Johnny Hallyday. Bien au contraire, ça avait dépassé tout ça, quoi. On était un peu comme... Maintenant, je ne le dis plus parce qu'il y a tellement d'autres qui l'ont dit, qu'il était le frère qu'il n'avait pas eu. Oui, alors, moi, maintenant, je ne le dis plus, mais bon... On sait que vous le pensez. Oui, je le pense parce qu'il appelait mon père papa. Alors donc, alors que moi avec mon père, c'était pas quand même la joie. Mais on avait des blessures paternelles identiques. C'est-à-dire que voilà. La chanson à propos de mon père parle aussi bien voilà. De notre père que celui de Johnny. Absolument, ouais, absolument. Et d'ailleurs, c'est lui qui a insisté pour qu'on écrive cette chanson, quoi, parce que il était son père est resté une blessure ouverte jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie, il n'en parlait pas, mais il était. Sa mère, c'était pas du tout un problème, puisqu'il avait revu ses demi-frères, ses demi-sœurs, et sa mère a fini ses jours à Marne-la-Coquette. Donc chez lui, elle a fini ses jours chez lui. Donc sa mère avait été pardonnée et aimée, voilà. Et elle a été à la fin chez un souvenir absolument fantastique avec elle. Elle s'appelait Huguette et elle était en chaise roulante et elle était sourde. Mmh. Et Johnny m'a dit « Maman veut te dire un mot ». Alors je me suis approché, je l'ai embrassé et j'ai dit deux conneries, style ça va Huguette, quelque chose comme ça. Mmh. Et elle m'a pris la main et tout proche de mon oreille, elle m'a dit merci pour ce que vous avez fait pour mon fils. Et je suis parti en pleurant, quoi. Voilà. C'était un des moments les plus émouvants de cette femme qui était encore à la fin de sa vie, d'une classe absolue, quoi. Elle avait dû être d'une beauté jeune, une beauté insolente. Voilà. Et quand j'ai vu son père, je me suis demandé comment il avait fait pour la, comment dirais-je, pour lui plaire, pour la séduire. Parce que son père, on a vécu aussi une chose, abominable. Son père, à un moment donné, a manifesté le désir de venir à Paris. Alors, Johnny lui avait trouvé un studio. On avait été chez... Bon, c'était pas Ikea à l'époque, parce que ça n'existait pas, mais dans un truc de meubles. Et on avait meublé... Quand je dis « on », parce que j'étais avec lui, quoi. Oui, oui. Et on lui a fait un studio, c'était vachement bien. Il y avait tout ce qu'il fallait. Et on a été chercher son père à la gare du Nord. Et on l'a amené chez Cerruti pour l'habiller. Mm-hmm. Et là, Johnny a dépensé je ne sais combien pour lui acheter des vestes, des pantalons, des chaussures. Enfin, il l'a rhabillé à neuf, quoi. Mm-hmm. Et puis... donc il a dit maintenant mon père va rester là, je vais pouvoir m'en occuper et ceci cela. Une semaine après, il avait vendu les meubles, les vêtements, et il s'était barré. Voilà. Une souffrance supplémentaire. C'est ça. Il abandonnait voilà. Tout et puis. C'était le énième abandon. Tout à fait, ouais. Le énième abandon. Voilà. Merci pour pour me bloquer, pour vous poser des questions à présent. Parce que c'est la séquence émotion, ça. Ben, c'est la séquence émotion, mais je vous en donne un peu parce que j'en ai pas. Ça, ce sont des choses que j'ai jamais dites. Hein. Bien sûr. La mère de Johnny, j'ai jamais dit à personne. La mère de Johnny, j'avais un rapport très particulier avec elle. Oui. Elle était bienveillante avec moi. Je l'appelais Huguette. Alors je la tutoyais pas, hein, mais il y avait l'arrière-grand-mère de Laetitia qui était là aussi, mm-hmm. et qui était aussi dans une chaise roulante. Alors il y avait ces deux vieilles dames qui étaient là, et elles étaient charmantes. Elles étaient vraiment adorables. Et moi, en tant que Corse, les personnes âgées, c'est quelque chose de très important pour nous, aussi ah oui. important que les enfants. Mmh. Voilà. Et moi, j'avais applaudi à deux mains le fait que Johnny accepte de prendre sa mère chez lui à Marne-la-Coquette. Et la grand-mère de Laetitia, elles étaient... voilà, elles ont eu une fin de vie pleine de dignité et d'amour. Oui. Moi, ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Je l'ai inventé tout entier. Pour ce faire que je n'ai pas eu.

J'étais drôle et je me sentais plus fort qu'un géant. Je voulais lui faire un enfant. Je ne veux plus d'enfant à partir de maintenant. De maintenant. À partir de maintenant, pour elle commence une autre vie. Pour moi la jalousie. Sans le connaître, je hais cet homme, car je sais quel amour elle donne quand elle se donne. À partir de maintenant, elle doit l'aimer et oublier même que j'ai existé. Si j'ai existé, rien ne sera plus comme avant pour moi. À partir de maintenant, sera plus comme avant pour moi à partir de maintenant. Émission spéciale Michel Mallory sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Michel, vous avez écrit beaucoup de chansons où Johnny jouait le loser. Et surtout en plus, le public, du moins le public de Johnny, n'aimait pas aussi que Johnny soit un lâche. Aussi en même temps, il a fait ce pari-là, Johnny. Oui, bien sûr. Johnny, il était, il m'a dit tout de suite, dans les chansons d'amour, il faut jamais que je gagne. Hein. Oui, oui. C'est toujours moi qu'on laisse. Hein. S'il y en a un qui pleure, c'est moi. S'il y en a un qui est blessé, c'est moi. C'est pas la fille. Et c'est vrai. Et c'est vrai que c'est le plus beau rôle. C'est le rôle du chanteur abandonné, quoi. C'est ça. C'est le rôle du loser. Le mec qui est vainqueur, il fait chier tout le monde, quoi. De toute façon, vous avez tout compris, hein, parce que les albums suivants, à partir de maintenant... Bien sûr. Vous êtes taché ou l'album, c'est pas facile. Là aussi, c'est Johnny, c'est le loser, en quelque sorte. Ah, mais il y tenait absolument. Hein. Il tenait à ça absolument. Il fallait qu'il puisse pleurer dans les chansons. Il fallait qu'il puisse faire passer au niveau de son public tout un désespoir, toute une détresse, et il le faisait magnifiquement bien, quoi. C'est le seul mec qui tombait à genoux sur scène et on ne le trouvait pas ridicule. Non. Au contraire, il levait la main, il tombait à genoux, il disait sauvez-moi ou ne me quitte pas ou de je sais pas ce que vous voudrez, et ça passait, quoi, je veux dire. Ça passait complètement. Les gens fonctionnaient à mort. Il était le seul à pouvoir faire ça. Et le seul. Je ne sais pas où est-ce que j'ai entendu ça dernièrement, mais Johnny, quand on le disait, mais une chanson, tu peux la tenir 5-10 minutes sur scène, dans une chanson de dramaturge. Il fixait une fille dans les yeux, et puis jusqu'à que cette fille craque, pleure, et là, il pouvait reprendre la chanson à ce moment-là. Il criait, il hurlait, je suis seul, aime-moi, et tout ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'est ça, mais ça a été son truc toute sa vie, mais ça marchait. D'ailleurs, on l'attendait. Je vais même vous dire quelque chose. Je dis à la fin, pour qu'il m'étonne, moi, c'était difficile. Hein. Ouais. J'avais vécu avec lui tellement de choses, sur scène, avec lui en tournée. Je jouais de l'harmonica, je faisais la double voix, les tierces, je jouais de la guitare acoustique. Bon, je l'ai vu dans des spectacles où il était pas bon, et je l'ai vu dans des spectacles où il était, il n'y a pas de mots, quoi. Je veux dire, c'était le plus grand showman du monde à ce moment-là, et je pèse mes mots. Et la dernière fois que je l'ai vu sur scène, c'était en Belgique. J'étais dans le public et il a chanté. Et maintenant, la chanson de Gilbert Bécaud. Oui, en 2009, alors. Ouais, eh ben je vais vous dire, j'étais assis sur mon siège et je pleurais comme une madeleine. Je pleurais comme une madeleine. Il m'a eu jusqu'au trognon. Il était et maintenant que vais-je faire de tout ce temps qui sera ma vie? Mais personne, mais même pas Bécaud n'a chanté cette chanson comme ça. Personne. On se demandait vraiment ce que ce mec allait faire de ce qu'allait être sa vie, quoi. Jamais je n'ai vu autant, ressenti autant d'intensité dramatique que quand il chantait. Il y avait du Brel, il y avait tout là-dedans. Ce mec était déchirant, quoi. Et là, il m'a eu Encore une fois, il m'a eu encore une fois. Et pourtant, j'étais rompu, moi, j'étais pas un courtisan, hein. J'étais son complice. Oui. Donc, quand il n'y avait pas été bon, je lui disais, hein. Ah, voilà. J'ai dit, écoute, c'est une soirée qu'on va oublier. Mais quand il n'y avait pas été bon, c'est qu'il avait été, il était resté un petit peu trop longtemps au bar avant. D'accord. C'est tout. Oui, voilà. Sinon, il oubliait les paroles. Mais quand il avait tous ses moyens, dirais-je, eh bien, des spectacles pouvaient durer 2h30. Hein. C'est ça. Il n'y avait pas de problème. Ça pouvait durer 2h30. Il acceptait facilement vos remarques, justement, un concert. Non, il acceptait pas. Il acceptait pas. Il me disait, mais pour qui tu te prends, trou du cul? Voilà, mais qui tu penses, qu'est-ce que tu crois que tu es, machin, ah oui. Tout ça. Et le lendemain, il venait, il disait, excuse-moi, mon pote, quoi. Et puis il m'embrassait, c'était. Et puis jusqu'à la prochaine fois. Voilà. Mais c'était pas facile de dire à Johnny, quand on était en cabine avec lui en studio, que la phrase qu'il avait faite, qu'il avait chantée, n'était pas très juste. Ouais. C'était difficile de dire, il acceptait pas. Alors, au lieu de lui dire qu'il était bas parce qu'il était bas, ben on lui mentait, on disait qu'il était haut. Mmh. Il était quand même obligé de la refaire. Hein. Mais si personne n'osait lui dire qu'il n'avait pas assuré, oui. Il y avait un problème. C'est que le lendemain, il arrivait en pleine forme et il demandait à écouter ce qu'il avait fait. Oui. Et là, il entendait que ce qu'il avait fait n'était pas juste. Et il se tournait vers nous, il disait, mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit? La mauvaise foi, hein. Moi aussi. Mais bien sûr. Mais alors, il fallait savoir dominer tout ça, arranger tout ça. Et puis finalement, moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple de lui dire. Ouais. Voilà. Et beaucoup plus simple de lui dire. Et même s'il gueulait, tout ça, le lendemain. Vous connaissiez le personnage. Vous le connaissiez. Donc, oui, bien sûr. On n'allait pas se fâcher pour ça. Voilà. Et puis, moi, j'étais pas là pour le flatter. Je veux dire, on était complices et je n'aurais. La vraie amitié, c'était de dire les choses, quoi. Vraiment. Mm. C'était pour aller dans son sens. Exactement. Et pour aller avec lui. C'était l'important, c'était pas moi, c'était lui. Mm. L'album, c'était le sien, hein, c'était pas le mien. Hein. Donc c'était sa voix qu'on allait écouter, c'était lui qu'on allait entendre. Il n'était pas possible de le laisser. Il y a des albums dont je vous parlerai pas parce que je n'étais pas concerné où les notes n'étaient pas très justes. Et ouais. Quand je les entends, et je les entends à chaque fois, et ça me hérisse que quelqu'un ne lui ait pas dit, mais attends, parce qu'après il les a entendus, lui. Hein. Mm-hmm. Je peux vous dire qu'il les a entendus, il sait très bien là où il n'était pas juste. Et Johnny détestait ça, hein, parce qu'après il n'entendait plus que ça. Hein. Bah oui, quand on connaît. C'est le cas pour ce titre-là, Un jour viendra. Quand Johnny chante, toi. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime du bout du cœur, mais le dire quand même. Un simple mot et l'aveu d'une larme au bord de tes yeux feront de moi un homme heureux. Un jour viendra, tu sauras toutes ces choses qui ont fait ma vie bien plus noire que rose. Tu comprendras mes pudeurs et tous ces mots qui me font peur que j'ai cachés comme un voleur. Toi, c'est le ciel qui t'a envoyé vers moi pour me réapprendre à aimer. Et attends, il laisse faire les jours. Laisse le temps au temps.

résolu à Beaufort. L'amour résolu, l'amour résolu. Où c'est que l'amour résolu? L'amour résolu. Oh, l'amour résolu. Où c'est que l'amour résolu, Johnny Hallyday et Michel Mallory, spéciale émission Michel Mallory pour cette deuxième émission. Et Michel, nous nous rencontrons dans le cadre de la sortie du livre-disque Johnny 72 et je l'espère, comme les auditeurs, pour d'autres occasions. Et après, il va y avoir surtout pour moi un truc très important, ça va être Insolitude. Quoi. Il y a aussi l'écriture de votre livre. Ah ben oui, oui, oui. Alors donc là... pour mon livre, je suis vraiment, je suis en plein dedans, quoi. Oui. Chercher l'éditeur. J'avais déjà écrit un bouquin sur lui, mais qui était un bouquin d'anecdotes. Hein. Tout à fait. Oui, oui. Donc, non. Tandis que là, si vous voulez, j'essaye de faire pour le mieux au niveau, comment dirais-je, des endroits, des lieux, enfin, des endroits, des moments. J'ai recommencé à retrouver des photos. J'ai recommencé à trouver. Donc, j'ai un petit travail de, comment dirais-je, j'ai un petit travail quand même d'archives faire. Donc, mes souvenirs sont précis, mais quelquefois, ils ont besoin de notamment, il y a des noms de musiciens américains. Jim Carillo, j'avais oublié ce mec-là. Oui. J'avais oublié parce que c'était pas un grand et que Rolling était bien meilleur que lui. Et en plus, Carillo, il avait un groupe. Il tenait un groupe. Oui. Mais bon, ça a pas été. Et puis il avait fait quelque chose que vous ne savez pas, mais que je vais vous annoncer, c'est qu'il avait piqué la gonzesse de Peter Frampton. Ah, en plus. Voilà, donc il avait mis une ambiance un peu curieuse. Oui, d'accord. Voilà, et Peter Frampton venait nous voir complètement bourré et en larmes. Bien sûr. Et après, ils sont restés très amis avec Johnny. Voilà. Ben oui, parce qu'après, Johnny le retrouve pour l'album Rock'n'Roll Attitude en 80. Absolument. 85, absolument. Absolument. Il lui a offert une guitare. Absolument incroyable, une Martine qui devait dater de 1850 ou je sais pas quoi. Un jour de cuite, il l'a offerte à Frampton. Ouais. J'adore Frampton aussi. Voilà, il était là, et il était beau comme un dieu. Mmh. Et Jim Carillo lui a piqué sa gonzesse, qui s'appelait Marie. Vous voyez, j'ai des souvenirs comme ça, boum, ah, voilà, c'est des fulgurances. Voilà. Je n'ai plus rien à te donner. Mon cœur est une ville abandonnée. Mes yeux sont secs d'avoir trop pleuré. Laisse-moi, tu ne peux pas m'aider. La solitude. parler de Franck Carillo qui était aussi le chanteur ou le guitariste du groupe Doc Holliday, et c'est une adaptation du titre Whiskey Lady qu'on retrouve sur l'album Insolitude en 1973. Gardez votre casque sur les oreilles, vous écoutez Johnny de A à Z. Faut-il avoir dans le sang de déchirure et de folie pour les mécanes à deux mesures, l'amour, le danger, les défis. Je fais de plantes noires, de blues de désespoir, une rock'n'roll star. Et faut-il garder dans le cœur toutes les blessures de l'enfance? Ce mal de vivre d'adolescent et des océans de violence. C'est fait de rouge, de noir, de peur et puis de gloire. Une rock'n'roll star. Parle de star, cette chanson Johnny, est-ce qu'il avait fait une prise unique, une prise solo de cette chanson là ou il l'a faite de suite en duo avec Fabrice Lucchini? Non, on l'a faite on l'a fait tout de suite en duo parce que j'étais dans le studio et j'étais avec à côté de Fabrice Lucchini qui se chiait dans les pantalons parce que Fabrice Lucchini voulait chanter comme Johnny et moi je lui avais dit non tu vas parler mais possible. Pas du tout je vais chanter alors que bon et je lui tenais la main ça il y a personne qui le sait ça je lui tenais la main. Et quand il devait commencer à chanter, je serrais la main. Vous le pressez la main, vous le pressiez la main. Oui, je lui pressais la main et il chantait. Non. Et ça s'est fait en direct dans une après-midi. Voilà, ça c'est. On a déjeuné ensemble d'abord et ensuite on est parti en studio. Et j'ai l'impression que Fabrice Lucchini n'avait jamais vu de studio d'enregistrement sonore, dirais-je. Mm-hmm. Peut-être qu'il avait déjà vu des studios d'enregistrement pour la voix, pour le cinéma. Mais quand il est arrivé, qu'il a vu les consoles énormes, absolument, il était terrorisé. Il était incroyable. Là, et il a parfaitement assuré, hein, évidemment. Parfaitement assuré. Alors, c'est amusant de l'entendre, c'est amusant. Mais donc, il n'y a pas de prise. On sait qu'il a repris à un moment à un concert, il a pris la chanson, il a chanté la chanson en concert, mais il ne l'a pas pris continuer. Non, c'était en Belgique, justement, quand j'avais été le voir. C'est ça. Et puis, si vous voulez, elle n'avait pas eu encore elle n'était jamais passée en radio. Et donc, elle est passée un peu. Entre guillemets, inaperçu, quoi. Mais il l'a chanté sur scène, j'étais là. C'est la dernière fois, en fait, que je l'ai vu sur scène. C'était en 2009 que vous l'avez vu sur scène, pour la dernière fois. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous êtes un peu éloignés l'un de l'autre? Son entourage était... L'histoire d'homme et tout ça, ou l'entourage, surtout, ouais. Ça n'avait rien à voir. Mm. C'était pas l'entourage de Johnny, c'était l'entourage de Laetitia. Oui. Et donc, j'avais pas grand chose à faire dans ce truc-là. En plus, je venais pas chercher quelque reconnaissance que ce soit. Notre amitié n'a jamais failli. Oui. Elle savait très bien que moi, j'étais. Il avait dit un jour, tu peux attaquer qui tu voudras de mes amis, mais pas Mallory. Donc, elle se était gardée pour dit, hein, ouais. Tenue pour dit, dirais-je. Et voilà, parce que tout ce qui était l'ancien Johnny Hallyday la terrorisait, évidemment. Bien sûr. Donc, évidemment, la terrorisait et peut-être pouvait entacher son pouvoir. Petite rectification, au moment de l'interview, j'avais oublié que cette chanson Rock'n'Roll Star datait de 1992, ou un peu avant, puisque Johnny l'avait répétée pour le Bercy de 92 et l'a abandonnée avant la série de concerts dans cette salle mythique. Voici un extrait, le DVD du coffret de Bercy en 2022. Et en consultant les archives des répétitions, on a pu constater qu'il avait répété d'autres titres, comme La Première Pierre, une chanson de Michel Mallory de 78, et Rock'n'Roll Star, un titre peu connu à l'époque, dont il fera plus tard une version duo avec Fabrice Lucchini pour le film Jean Philippe. Voici un titre qu'a interprété Michel Mallory également sur son album d'Aubervilliers à Nashville. Pour l'oublier, il me faudra plus de temps que ne m'en donnera la vie en 75. Couchant rougit l'horizon qui se fond avec la nuit. Le vent s'est calmé dans la maison, je ne sens battre que ma vie. La neige va montagne va se cacher. Je caresse de mes doigts. Est-ce que tu fuis rester le chanteur sans amour. Voilà tout ce qu'elle m'avait dit, cette fille d'une nuit qui m'a mis le cœur en déroute. Je la cherche chaque nuit, chaque jour. Je suis toujours le chanteur sans amour. Je la cherche chaque nuit, chaque jour. Sans elle, je suis toujours le chanteur sans amour. Chanteur sans amour, écrit par Michel Mallory, composé par Johnny. Vu que Huguette vous a dit que merci pour ce que vous avez fait pour mon fils, et puis moi, je vous dis au nom de tous, merci pour ce que vous avez fait pour nous aussi et pour Johnny. On vous le dit. Eh bien, écoutez, c'était, il m'a rendu au centuple ce que j'ai pu faire pour lui. J'ai amené ma pierre à l'édifice, parce que l'édifice était particulièrement important pour la vie de tout un pays. Et particulièrement important pour tout ce qui était pour tous les artistes français. Je veux dire, c'est il faut voir les choses telles qu'elles étaient. Il était la seule et unique star française. Qu'on vienne pas me raconter des conneries. La star machin. Non, une grande vedette si vous voulez, un grand artiste. Star, non. Star, il y avait une star dans la chanson française. C'était Johnny Hallyday. Point. C'est le mot de la fin et c'est la fin de l'émission Johnny de A à Z avec le grand Michel Mallory. Mais je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup encore Michel. Merci encore. Allez, à bientôt, au revoir. À bientôt, merci beaucoup, au revoir. J'ai compris quand j'ai eu ma première vraie guitare que comment celle-là ma vie et mon histoire. Puis j'ai chanté sur trois accords que je connaissais. Ma première musique déjà lui ressemblait. Le blues de ma vie, blues dans mon pour moi la première vraie chanson. En lettres de feu, j'ai vu briller mon nom. Au fond de moi, un démon me poussait. Et sans le savoir, malgré moi, je chantais le blues de ma vie. Guitare. j'ai compris ce jour d'été où elle est partie, que je n'aimerai plus jamais de ma vie. Et dans mon cœur, il ne peut plus vraiment faire très froid. On reste tout seul, le blues, ma guitare et moi. Et je chante le blues de ma vie. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve Johnny Hallyday en live en 1981. Il n'est pas seul, il est aussi avec Michel Mallory à l'harmonica. Il y a aussi le Knight Rider Band. On l'entend, Michel. Là, on entend l'harmonica. C'est Michel qui joue et qui chante en même temps aussi, qui fait les secondes voix. Oui. C'est un titre de Chuck Berry, non un titre de Michel Mallory. Oui, je ne te donne. Oui, je ne te donne que mes yeux. Oui, je ne te donne que mes yeux. Et que ça, alors la vie se raconte, tu sais que tu m'as fait. Je ferai connaître ton aventure. Je ne te donne pas me revenir. Rien que mes jours. Rien que mes jours. Que mes jours. Que mes jours. Pour revenir auprès de moi avec une que mes jours. Et ne suis pas une marionnette. Assurément, ma seule raison d'être. Je ne te donne pas me revenir. Rien que mes jours. Et je vais dire à ce garçon qui t'aime que tu m'as quitté. Pour que je sois très jaloux et vienne te prier. Je lui dirai que t'es pas la première fois et que t'es toujours revenu dans mes bras. Je ne te donne pour me revenir. Et que mes jours. Et que mes jours. Et que mes jours. Que mes jours. Pour revenir. Je veux dire à ce garçon qui t'aime que tu m'as quitté, pour que sois très jaloux et vienne te supplier. Je lui dirai que c'est pas la première fois et que t'es toujours pas tenu dans mes bras. Je ne te donne pas de revenir, rien que lui jure. Rien que lui jure. Je ne te donne pour me revenir, à quel jour. Je ne te donne pour me revenir, à quel jour. Sachez cette émission spéciale interview de Michel Mallory qui a été réalisée le 5 et le 12 mars et vous retrouverez prochainement cette émission en podcast dès demain ou d'ici vendredi. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté cette émission et mais aussi maintenant on va dire d'écouter le podcast et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure à l'EDN. Merci à toutes et à tous, bonne nuit, ciao ciao.